Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la décennie noire en Algérie. L'histoire d'une guerre civile qui a broyé le pays de 1991 à 2002 et qui continue d'exercer une emprise traumatique sur les Algériens. Fin 91, le parti islamiste, le FIS, remporte haut la main le premier tour des législatives. Effrayé, le pouvoir interrompt le processus démocratique et annule le deuxième tour. Début 92, le FIS est interdit et des centaines de ses membres emprisonnés. L'islamisme sort alors du champ politique et se lance dans l'action violente et le terrorisme, notamment avec le GIA. Commence alors une sale guerre qui va durer jusqu'au début des années 2000. Au cœur du drame, il y a l'armée proche du pouvoir. Quel était son rapport avec les organisations islamistes? A-t-elle laissé faire ou pire? A-t-elle encouragé la violence contre le peuple qu'elle était censée protéger? Quoi qu'il en soit, le bilan fait froid dans le dos. 150 000 morts, 1 million de personnes déplacées, 20 milliards de dollars de dégâts et des dizaines de milliers de travailleurs, la sève même du pays, contraints à l'exil. Aujourd'hui encore, on peine à comprendre les raisons exactes et les conséquences de cette guerre civile. Que s'est-il passé? Notre invité aujourd'hui, Frédéric Paulin, auteur du roman « La guerre est une ruse », paru en septembre dernier aux éditions Agulo. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Ballandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Alger, mardi 24 décembre 1991. Les boutiques ouvertes, les trottoirs bondés, les coups de klaxon donnent aux rues des centres-villes des airs d'insouciance. Une légèreté de façade, car l'Algérie s'apprête à vivre ses premières élections législatives libres depuis l'indépendance de 1962. Dans deux jours exactement, se tiendra le premier tour. Et pour la première fois, le FLN ne sera plus le seul et unique parti. Alors, dans la capitale, une rumeur enfle. Le FIS, Front Islamique du Salut, fera un bon score. Son programme politique est clair, l'instauration d'un califat et la mise au ban de toute l'élite politique au pouvoir, une certaine forme de dégagisme. À l'abri dans une salle du palais présidentiel, le chef de l'État, Chadli Ben Djedid, rencontre la presse. Cet homme de 62 ans est un vieux briscard de la politique. Il est à la tête du pays depuis 12 ans. Au détour d'une phrase, il annonce qu'il est prêt à cohabiter avec les islamistes du FIS. Pour certains généraux influents, cette déclaration ne passe pas. Surtout que l'état-major est à cran. On vient d'enterrer 5 soldats tués et émasculés par un petit groupe islamiste dans le sud-ouest du pays. Alors, partager le pouvoir avec le FIS semble inadmissible. Une fois la conférence de presse terminée, quelques officiers discutent à voix basse, bien déterminés à empêcher les islamistes d'accéder aux responsabilités, et ce, quoi qu'il en coûte, car pour eux, c'est la stabilité du pays qui est en jeu. Deux jours plus tard, 26 décembre 91, c'est le premier tour du scrutin. Mathieu Aron, pour France Inter, capte l'ambiance à Alger. Dans un climat politique tendu, les Algériens ont voté dans le plus grand calme. L'armée était prête à intervenir au moindre désordre. Les militaires sont restés dans leurs casernes. Tout au long de la journée, les électeurs ont dû faire preuve de patience. Temps moyen pour remplir son devoir électoral, une bonne demi-heure. Il y avait ceux qui n'étaient pas inscrits, ceux qui avaient oublié leur papier, et puis les plus âgés, sachant ni lire ni écrire, qui se sont fait aider de leurs petits-enfants. Un vote en tout cas dans la bonne humeur. Nous sommes contents et quand je parle pas uniquement de ma génération, de la génération de ma mère qui a 65 ans, qui est venue voter. Et ça c'est déjà important. C'est un pas en avant, ça va montrer ce pluralisme d'opinions et d'idées dans notre pays. Quelques heures plus tard, les résultats tombent. C'est un raz-de-marée pour le FIS qui obtient 48% des suffrages. l'ex-parti unique, le FLN tout-puissant, arrive péniblement à 23%. Le lendemain, 27 décembre, le pouvoir algérien se réunit au palais du gouvernement. Les mines sont défaites. Tout le monde mesure l'ampleur de la débâcle et redoute l'issue du second tour, prévu 3 semaines plus tard, le 16 janvier 1992. Se pose alors la question qu'on ne poserait jamais en démocratie. Faut-il maintenir le second tour ou l'annuler ? Le 30 décembre, au siège du commandement des forces terrestres, l'état-major de l'armée se réunit à son tour avec le président. Les échanges sont agités. Dans un coin de la salle, un général silencieux fume une cigarette. Mohamed Medien, dit Toufik. Il est l'imperturbable et tout-puissant chef du département du renseignement et de la sécurité, le DRS, les services secrets algériens. Toufik est à la fois l'homme le plus puissant et le moins connu du pays, celui dont le nom et la fonction alimentent tous les fantasmes. Derrière le paravent d'un gouvernement civil, le DRS, c'est la réalité du pouvoir politique en Algérie et rien n'est possible sans son soutien. Toufik et quelques autres, ceux qu'on appellera les éradicateurs, sont convaincus que la situation est suffisamment grave pour prendre des mesures drastiques. Le président Chadli semble capable de gouverner avec le fils, certes, mais il ne pourra rien sans l'appui des officiers. L'armée récuse donc la tenue du second tour. Elle réclame aussi le départ du président Chadli. Celui-ci se laisse quelques jours pour réfléchir, mais pour Toufik, c'est tout vu. Jours plus tard, le 9 janvier 92, le président algérien jette l'éponge. Quelques militaires se chargent d'écrire sa lettre de démission. Il ne faut pas que celle-ci donne l'image d'un homme sous la contrainte. Alors on peaufine les expressions pendant plusieurs heures. Les généraux insistent aussi pour que le président passe à la télé, car une démission sans apparition publique serait assimilée à un coup d'État. Le 11 janvier, à 20h30, les journalistes apprennent en direct la nouvelle, comme ici lors du journal d'Antenne 2. Nous venons d'apprendre à l'instant la démission du président de la République algérienne. C'est une information qui a été donnée il y a simplement quelques secondes par la télévision algérienne. Actuellement sur votre écran, des images qui nous parviennent en direct de la radio-télévision algérienne et vous voyez donc des images d'archives du président Chadli qui recevait un autre... Ce sont les images en direct de la télévision algérienne, ce qui veut dire que le président va donc intervenir et commencer son discours. Il est d'ailleurs en train de parler. Oui, si le traducteur peut nous dire ce qui se dit actuellement à la télévision algérienne. Ma démission des fonctions de président de la République à partir d'aujourd'hui. Je ne cherche pas à fuir mes responsabilités, bien au contraire, mais cette décision me semble indispensable vu la difficulté, la gravité de cette étape particulière. C'est pour cela que j'ai préféré prendre cette décision pour le bien, pour l'unité, pour la cohésion et la stabilité, la sécurité du pays. C'est la décision dont je voulais vous faire part officiellement et je vous remercie. Costume impeccable, assis les jambes croisées au fond d'un canapé beige, le président Chadli, impassible, tend sa lettre de démission au président du Conseil constitutionnel. Celui-ci, les mains tremblantes, peine à cacher son malaise. Chadli marmonne 2 ou 3 choses, se lève et salue l'assistance. Sans un mot pour ses compatriotes, le président abandonne ses fonctions le 11 janvier 1992, 17 jours après le premier tour des législatives. Le deuxième tour, prévu le 16 janvier, n'aura jamais lieu. L'Algérie vient de sombrer dans l'inconnu. Des cris et des larmes, c'est la bande-son de l'Algérie pour les années à venir, dira Frédéric Paulin dans son roman « La guerre est une ruse ». Un refrain que les Algériens connaissent déjà depuis des décennies. La violence, en effet, s'est abattue sur l'Algérie il y a bien longtemps. D'abord avec la guerre d'indépendance contre les Français, démarrée en 1954, puis avec les attentats, les bombes, les morts. Après 8 ans de violence, en mars 1962, les accords d'Évian sont signés. L'indépendance du pays est officialisée le 3 juillet de la même année. Et c'est la fin de 132 ans de présence coloniale. L'ORTF relate l'ambiance à Alger au lendemain d'indépendance. Alger s'est réveillé ce matin pareil à hier. Le front de mer, le port, les bateaux étaient semblables. Et pourtant, quelque chose avait changé. Alger n'était plus la même. Quelque chose qui se voyait à des drapeaux français et FLN parfois côte à côte, à une floraison de drapeaux verts et blancs sur tous les quartiers musulmans, des banderoles et des affiches. Et puis dans les rues, si les soldats français étaient toujours là, surveillant certains points, Il y avait aussi des hommes de l'ALN mitraillettes au poing et souvent en tenue de parachutiste. En quelques heures, la ville s'était emplie de troupes, réglant la circulation, effectuant des contrôles, canalisant les groupes qui se formaient. Place du Cardinal Lavigerie, au bas de la casbah, c'était la foule habituelle. Dans cette basse casbah que surveillaient les zouaves il n'y a pas si longtemps, des hommes, des femmes, des enfants, beaucoup d'enfants circulaient vêtus de vert et de blanc. Dans les années qui suivent, le pouvoir se consolide autour des anciens combattants du Front de Libération Nationale, le FLN, comme Mohamed Médiane, Toufik ou encore le futur président Chadli. Sur le plan extérieur, l'Algérie tisse des liens avec l'URSS. Et dans les années 60, de nombreux militaires, dont Toufik, sont formés par le KGB. Là, on leur apprend à utiliser la désinformation, la manipulation comme moyen de gestion des conflits. Au sein de l'État, le FLN devient le seul parti autorisé. Et un système opaque, secret, autoritaire est mis en place où pouvoirs politiques, militaires et économiques sont confondus. Ainsi, les libérateurs d'hier, les hommes du FLN, profitent-ils de leur position pour tirer profit des richesses de leur pays au détriment de la population ? À la fin des années 80, 90% des ressources de l'Algérie proviennent de son sous-sol, riche en gaz et en pétrole. En 1986, le prix du baril passe de 30 à 10 dollars. Une crise économique s'installe et un sentiment de colère et d'injustice s'empare des Algériens. La sécession entre le peuple et le pouvoir semble imminente. Le 5 octobre 1988, le pays est déjà au bord de l'insurrection. Les Algériens, des jeunes surtout, descendent dans la rue pour exprimer leur refus de la corruption et du clientélisme et plus généralement leur désir de changement. La réponse du pouvoir est sans appel. L'armée tire sur les manifestants. Le bilan fait état de 193 morts. L'état de siège est promulgué et Rayo Alger lance un appel à la population. Communiqué de la présidence de la République. En raison des développements graves que connaît la situation dans l'Algérois et en exécution des dispositions de l'article 119 de la Constitution, le président de la République a décidé l'état de siège. Toutes les autorités civiles, administratives et de sécurité sont immédiatement placées sous commandement militaire. Pour sortir de la crise, le président Chadli propose une réforme des institutions. Le 23 février 1989, une nouvelle constitution est votée. Elle autorise, et ce n'est pas rien, le multipartisme et instaure les libertés d'expression, d'association, de réunion. Des dizaines de partis politiques naissent presque du jour au lendemain. Parmi eux, les islamistes qui se fédèrent au sein du Front islamique du salut, le FIS. Un parti qui promet l'ordre, la justice et l'instauration d'un califat. Très vite, le FIS attire vers lui de nombreux jeunes et le pouvoir, bien sûr, s'inquiète. Alors, les services de renseignement passent à l'action. Quelques agents infiltrent les mosquées réputées intégristes. Il s'agit à la fois de recueillir des renseignements sur l'organisation, mais aussi, selon certains témoins, de pousser les islamistes à se structurer et à se radicaliser pour mieux les contrôler et surtout, les discréditer aux yeux de la population. Un jeu très dangereux. En septembre 90, Toufik est nommé général. Il prend la direction des services de renseignement, le DRS. Dès sa prise de fonction, la lutte contre l'islamisme devient son obsession. L'année suivante, en 91, les tensions montent encore d'un cran au sein de la population. Le 25 mai, le FIS appelle à une grève générale. À Alger, sur les places de tout le pays, on assiste à des manifestations d'une ampleur inédite. Les chars, oui, les chars. Reprennent les rues et les arrestations s'enchaînent, dont celle des deux principaux dirigeants du parti islamiste. Mais le FIS continue sa croissance, et dans les mois qui suivent, il mène une campagne électorale agressive. Les islamistes savent qu'ils sont à deux doigts de prendre le pouvoir, et le prendre légalement. Et puis en décembre 91, comme nous l'avons raconté, le FIS sort grand gagnant du premier tour des législatives. La suite, on la connaît. Pas de deuxième tour, la parenthèse démocratique se referme aussitôt, mort-née. Et ce sont comme de gros nuages noirs qui arrivent, une menace sourde, lourde, comme l'explique l'écrivain Boualem Sansal au micro de France Culture en 2015. Il y a une première phase qui est très bizarre. On sent que beaucoup de choses se déroulent à notre insu. Voilà, c'est on sent des ombres, des bruits, des murmures. On sent un danger venir. C'est comme à la veille d'un tremblement de terre. On sent qu'il y a quelque chose. Il y a une odeur. Il y a une odeur de mort. On le sent vraiment très bien. Et puis, on entre dans une phase où on cherche à négocier avec soi-même. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tourne le regard à cela, à ces choses qui arrivent? Ou est-ce qu'on se prépare? Ou est-ce qu'on fuit? Ou... On est dans une situation de désorientation totale. Et puis la chose explose. L'année 1992 s'annonçait chaotique. Elle sera sanglante. Des crises et des larmes, encore. Peu après l'interruption des élections début 92, les premiers maquis islamistes s'organisent dans les montagnes du nord de l'Algérie, là où le relief escarpé et la végétation constituent l'endroit parfait pour installer des grandes fortunes. Ces combattants refusent toute allégeance au fils, jugé trop laxiste et démocratique. Selon eux, la lutte armée est le seul moyen de renverser le pouvoir. Après la démission forcée du président Chadli, Toufik et les siens ne veulent pas donner l'impression que le pouvoir est vacant. Sous leur impulsion, un haut comité d'État se forme, autorité collégiale provisoire chargée de la gestion du pays. C'est cette instance, pilotée par les généraux, qui désigne le chef de l'État. Le 14 janvier, le comité choisit comme nouveau président Moued Boudiaf, l'un des chefs historiques du FLN. Intègre et moderniste, Boudiaf veut construire une Algérie solidaire, juste et réformer le système. Son rapport au fils semble, disons, contradictoire. Il dit reconnaître la formation en tant que parti politique, mais il est le chef d'un pouvoir sous influence militaire qui mène une guerre sans merci aux dirigeants islamistes. Ainsi, le 4 mars 92, le fils est dissous par le tribunal administratif d'Alger. Dans la foulée, des milliers de ses membres ou présumés sont arrêtés et emmenés dans des camps dans le sud du pays. Là-bas, loin de tout, les agents de la DRS, dirigés par Toufik, emploient diverses méthodes de torture pour faire parler leurs suspects. Chiffon dans la bouche et simulation de noyade, décharge électrique, mutilation. Dans le désert, personne ne peut entendre les hurlements, comme l'atteste ce témoignage de cet Algérien, Redouane, au micro de Joséphine Delto pour France Inter en 2007. Ils m'ont déchiré mes vêtements sur moi, ils m'ont mis dans mes yeux et tout, et direct à la table. Ils t'ont mis un bandeau sur les yeux? C'est ça? Et ils t'ont mis à la table? À la table, la table de torture. Et donc ils t'ont torturé tout de suite dès que tu es arrivé? Ouais. Et c'était, qu'est-ce que c'était, excuse-moi pour la question, mais qu'est-ce que c'était comme méthode de torture? Impossible. Je ne sais plus. C'est ça. En fait, c'est très difficile d'en parler, parce que les détails ne sont pas racontables. C'est trop dur de raconter. Ouais. Partout, on leur redonne la liberté, à condition qu'ils deviennent des informateurs, des balances. On les renvoie alors dans le maquis, condamnés à jouer un double jeu, terroriste islamiste et agent d'État. Avec l'interdiction du fils, l'action politique islamiste est rendue impossible, étouffée par le pouvoir. L'action terroriste prend donc le relais. Et bientôt, le fils est dépassé par une nouvelle organisation plus radicale, plus violente, une organisation qui va semer la mort. Au milieu de l'année 92, le groupe islamique armé, le GIA, puisqu'il s'agit de lui, s'organise autour d'un noyau d'islamistes aussi violent que rigoriste. Ils rejettent la démocratie et pour eux, l'instauration d'un califat ne peut se faire que dans le sang et la destruction. Comme ça, c'est clair. Des milliers d'islamistes, encore en liberté, convergent vers les maquis, ponctuent leur guérilla par des actions violentes destinées à effrayer l'opinion et à éliminer physiquement l'opposition. La première exécution ciblée intervient le 29 juin 1992. Elle vise le sommet de l'État. Ce jour-là, le président Boudiaf se trouve dans la ville d'Annaba, où il doit prononcer un discours. Le soleil cogne au-dessus des ruelles. Le président est pensif, conscient des enjeux historiques. Stylo à la main, il termine de rédiger son discours. Une injonction au rassemblement des forces vives de la nation pour neutraliser les passions tristes, islamisme en tête. Des mots qu'il ne prononcera jamais. Entouré de sa garde militaire, il monte sur l'estrade. Quelques minutes après le début de son allocution, un sous-lieutenant de l'armée, Lambarek Boumarfi, là-bas à bout portant. Mohamed Boudiaf meurt sur le coup, tué par l'un de ceux qui devaient le protéger. Les motivations de l'assassin restent mystérieuses. S'agit-il, comme on l'a dit au départ, d'un acte isolé commis par un militaire aux sympathies islamistes? Ou est-ce un complot des généraux qui redoutaient la volonté de Boudiaf de lutter contre la corruption du régime? De nombreux Algériens doutent, à l'image de ces témoignages recueillis par FR3 le lendemain du crime. On regrette de perdre notre président. On l'a pleuré en tout cas. La manière dont a été tué notre président en ce moment, c'est affreux. Et puis surtout, lui, c'était notre futur, quoi. C'est l'avenir de l'Algérie. Bien sûr, on est triste. C'est normal. Tout le peuple algérien est triste. Et vous allez faire quoi maintenant? Vous pensez que l'Algérie peut sortir de la crise? Comment dire, Inch'Allah. Dans la banlieue d'Alger, à Kouba, autrefois fief des intégristes, les réactions sont différentes. Je suis très content de la mort de Boudiaf, parce que c'était un dictateur, hein, où nous voulons plus. Nous voulons que la guerre se continue. L'attentat, c'est le fils. Je ne suis pas pour le fils, mais il ne faut pas que le fils porte cette étiquette. C'est des gens de... des gens haut placés qui ont bien organisé la mort de M. Boudiaf. C'est une vengeance de la FN, ainsi tout. Vengeance. Je crains surtout la guerre civile. La guerre civile, oui. À cette époque, une expression naît qui devient une thèse. Qui tue qui? Les partisans de cette réflexion, les qui-tue-quistes, adhèrent à l'idée que l'armée a bien pris part, ou du moins, laissé faire des crimes imputés aux terroristes, afin de mobiliser l'opinion derrière elle et derrière le pouvoir politique. Une chose est sûre, le terrorisme s'installe en Algérie et il fera des dizaines de milliers de victimes. Deux mois plus tard, le 26 août 1992, une bombe explose à l'aéroport d'Alger, faisant 10 morts et plus de 120 blessés, une horreur. La télévision diffuse en boucle les images des corps sous les couvertures et des victimes hurlant de douleur. Un reportage d'Antenne 2 relate l'événement et donne la parole à un témoin. On était à l'intérieur de l'aéroport, on attendait le vol de 10h20 pour Paris. Il a été repoussé jusqu'à 13h15, une bombe a explosé et tout d'un coup, le hall est devenu tout noir. C'est explosé. Dans les hôpitaux algérois, même mouvement de panique, les familles assaillent médecins et infirmières. 50 blessés vont pouvoir sortir rapidement, 50 autres sont plus grièvement touchés. Parmi eux, des enfants, victimes de ce terrorisme aveugle. Les auteurs de l'attentat ont voulu tuer hommes, femmes ou enfants, toutes nationalités confondues. Ces attentats n'ont toujours pas été revendiqués. Selon le chef du gouvernement algérien, cet acte criminel serait commandité par une main étrangère, même si les exécutants sont algériens. Quant aux intégristes musulmans, ils n'ont pas pour habitude de viser les civils, à moins de changer de stratégie. Effectivement, la stratégie des islamistes semble tourner vers une violence toujours plus arbitraire. Infernale logique. Dans les semaines qui suivent, cette violence se répand comme un virus. Assassinats d'intellectuels, de journalistes, de magistrats ou de policiers, enlèvements et meurtres d'étrangers, principalement revendiqués par le GIA. Les villes deviennent des zones de non-droit. Dans la chaleur de l'été, les rues du pays se vident peu à peu. L'Algérie vient de plonger, tête la première, dans une guerre qui n'ose pas avouer son nom. Pour l'instant, ce sont leurs cris, leurs larmes. Bientôt, ce seront les nôtres. غريبة وكذل وش اللعبة بين وبين وبين وبذغول ذكيني ما يلي غريبة سلذق برنوس ذي سيالة يزيزين ميسيت حبير القوت وسندق قارص الزين وغريت سلذق برنوس ذي سيالة يزيزين ميسيت حبير القوت وسندق قارص الزين سليف ذفير وموز الطاس سليتي جبادين أرش الزين ديت مغرفة سنصار تقديمين سليف ذفير وموز الطاس سليتي جبادين أرش الزين ديت مغرفة سنصار تقديمين يا لا لا يا لا لا لا أرش الزندي ثمار يا لي لي لي لي لي لي أسنت صغر في قديمي بقاتيني ما يلي غريبة كنا عايشين بيننا نار نار تشعل منا ونار تشعل منا وحنا في الوسط الشعب هو جا في الوسط ومن بعد كان نهار اللي تصرى واش يصرى يولوا الجيش يولي يرفد في الناس On était entre deux feux, le feu des terroristes et le feu des militaires. Et dès qu'il y avait des attentats ou des assassinats, les militaires se retournaient contre nous pour emprisonner nos enfants, nous tuer même, nous torturer, etc. Oui, entre deux feux, c'est toute la problématique de ce drame. Comme le rappelle cette Algérienne au micro de France Inter en 2007 que vous venez d'entendre, la terreur a pris possession de tout le pays et les habitants sont pris dans un étau coincé entre l'armée et le GIA. Dans les rues, on entend des histoires d'assassinats perpétrés à visage découvert, à la vue de tous. Parfois, des têtes coupées sont jetées sur le parvis des mosquées. Tous les jours, les voitures explosent dans les rues. De son côté, le pouvoir constitue des milices d'autodéfense pour combattre la guérilla. Les gendarmes ne sortent que petit matin dans les quartiers pauvres pour rafler des jeunes gens présumés islamistes. On les envoie dans les camps du sud du pays où on les exécute. La population est abandonnée, zéro justice. Les enquêtes sont bâclées quand elles ne sont pas inexistantes, œil pour œil. Du côté des institutions, après la mort du président Boudiaf, le haut comité d'État a nommé Ali Kafi, un membre du FLN, avant de le pousser à la démission un an plus tard. À partir de 1994, il est remplacé par Lyamin Zeroual, lui aussi proche des généraux et du FLN. Le pouvoir se perpétue, s'auto-alimente, alors que la population se recroqueville. Dans l'Algérie tout entière, dans tous les esprits, la peur s'infiltre. La peur de la mort, évidemment, la sienne, celle de ses proches. La peur aussi de devenir fou dans un pays devenu incontrôlable. La peur de ne plus savoir qui soutenir, de ne plus savoir qui sont ses amis. Oui, la peur a pris le contrôle, comme le décrit l'écrivain Boualem Sansal, au micro de Guillaume Herner sur France Culture en 2015. Ah, je suis pas inconscient, bien sûr que j'ai toujours eu peur et j'ai toujours peur. On s'habitue, parce qu'on peut pas faire autrement, mais ce qui est terrible, c'est pas tellement la peur, c'est de se voir avili par la peur. On devient lâche, on se transforme, on devient gris. On se sentait lumineux, enfin, dans ses idées, dans ses croyances, et puis, la peur fait que, bon, on négocie, voilà, tout le temps, on cède du terrain. Négocier revient à céder du terrain toujours. On s'enfonce dans l'humiliation. Et ça, c'est terrible. Alors, le pouvoir algérien entretient-il cette peur? En tout cas, il ne cherche pas d'issue politique, d'autant plus qu'il est soutenu par une vieille connaissance, la France. Malgré une histoire douloureuse, les pouvoirs en place des deux côtés de la Méditerranée ont bien compris les avantages qu'ils pouvaient tirer d'une bonne entente. Depuis l'indépendance, Alger offre à Paris son influence dans le monde arabe en échange d'un soutien inconditionnel au pouvoir militaire. Soutien politique, financier, diplomatique et logistique au régime algérien. C'était presque un théorème d'ailleurs, mais en 1994, la situation change. La guerre franchit la Méditerranée et fait irruption dans les affaires françaises. 544 Delta Victor, 160 nœuds jusqu'à la hauteur marqueur, autorisé final ILS 07, contacté Orly Tour, 118-7, au revoir. Le 24 décembre 1994, un Airbus d'Air France est détourné par un commando qui se réclame du GIA. De nombreux agents de la DGSE, les services secrets français, pensent que la situation échappe à Toufik et aux siens. Ou peut-être contrôlent-ils vraiment tout ce qui se passe? Cela voudrait dire qu'ils sont devenus fous. En mai 95, le nouveau président français, son premier ministre Alain Juppé, propose une nouvelle stratégie. Il prône l'ouverture d'un dialogue avec les islamistes qui accepteraient de mettre les Kalachnikovs au vestiaire, pour reprendre leur expression. Le pouvoir militaire algérien est furieux. La France, l'ennemi d'hier, ne comprend rien à l'islamisme, pensent les généraux. Et puis arrive l'été 95. La guerre civile s'invite pour de bon dans les affaires françaises. Le 25 juillet, c'est la terreur en plein Paris quand une bombe explose dans une rame de RER à la station Saint-Michel. Sur place, un témoin et un pompier racontent au micro de France 2. C'est surtout la queue du RER qui a pris beaucoup. Ça doit être une bombe qui a explosé, on ne sait pas d'où est l'origine. Il y a eu énormément de fumée, les gens sont sortis très rapidement. Il n'y a pas trop eu de panique, mais il y a eu beaucoup d'inconvénients dus à la fumée. Les gens ont dû passer par les fenêtres. Et ceux qui ont eu beaucoup de chance, c'était la tête de rame. Au niveau où s'est suitée l'intervention, au deuxième sous-sol du RER, et actuellement à ce niveau-là, en bilan provisoire, nous avons 7 blessés extrêmement graves, qui sont des blessés, des criblés, des blastés, des amputés, et 3 décédés. C'est le premier drame d'une longue liste. Du 25 juillet au 17 octobre 1995, une vague d'attentats secoue la France. Le bilan est de 8 morts et de plus de 200 blessés. Le plan Vigipirate est activé. Les attaques sont revendiquées par le GIA, qui dit dans son communiqué vouloir punir la France de son soutien au pouvoir algérien. Et il ne s'arrête pas là. En mars 96, 7 moines français du monastère de Tibérine sont enlevés par l'organisation terroriste. Leurs têtes coupées sont retrouvées 2 mois plus tard, en mai. Les relations entre la France et l'Algérie se crispent. Alors, question. Le GIA a-t-il été noyauté par les services secrets algériens? Savait-on et a-t-on laissé faire? S'agit-il d'un avertissement des généraux algériens au pouvoir français? Pour résumer, et on n'y rien, qui tue qui? En Algérie, la situation se dégrade chaque jour un peu plus. Le sommet de l'immonde pour toute cette période est atteint dans les années 97 et 98. À cette époque, une nouvelle forme de terreur apparaît. Le pays subit une série de massacres de civils d'une ampleur et d'une brutalité sans précédent attribuées au GIA. Ces tueries sont perpétrées sans distinction d'âge et de sexe des victimes. Des femmes enceintes sont éventrées, des enfants découpés. À Bentala, par exemple, petite ville au sud d'Alger, environ 400 personnes sont tuées à l'arme blanche dans la nuit du 22 au 23 septembre 1997. À partir de 1998, le GIA est discrédité, dénoncé ouvertement par une grande partie du mouvement islamiste. Le groupe terroriste se déchire et de nombreux combattants quittent son orbite. L'opinion mondiale est consternée. Il faut trouver une solution politique pour sauver ce pays à feu et à sang, pas loin de l'état d'anarchie. Le 15 avril 1999, l'ex-combattant pour l'indépendance Abdelaziz Bouteflika, membre du FLN et soutenu par l'armée, est élu président. Dès le début de son mandat, Bouteflika entame un dialogue avec les organisations islamistes. Le 8 juillet 1999, une grande loi appelée Concorde civile est votée. Elle prévoit l'amnistie presque systématique des anciens terroristes. Et la violence diminue. Au début des années 2000, le calme revient en Algérie et la fin de la guerre est officialisée le 8 février 2002 lorsque le 8e chef du GIA est abattu par les forces de l'ordre. Dans le pays, les rues se repeuplent, le quotidien reprend un cours à peu près normal. 3 ans plus tard, le 15 août 2005, un grand référendum élargit encore la politique d'amnistie générale. Ainsi, les assassins d'hier marchent-ils dans les rues, libres? Au micro de France Inter, en 2007, un homme qui a perdu de nombreux proches pendant la guerre s'explique. Quel est le problème? Vérité et justice. La vérité, ce qui se passait devant les événements, devant la décennie 1990, et je dis, il y a les disparus du terrorisme des groupes armés islamiques et il y a aussi les disparus des groupes armés de l'État. Or, si vous revenez à la réconciliation nationale, du président Abdelaziz Bouteflika. D'abord, il faut vous dire qu'elle ne touche pas du tout ce qui vient de l'État. Or, le code civil algérien où toutes les conventions internationales disent que celui qui a commis un crime contre l'humanité doit payer. Or, les disparitions forcées, les groupes qui ont fait des massacres collectifs, les viols, les tortures, ce sont des crimes contre l'humanité. Celui qui a commis un crime devant la loi algérienne doit payer, qu'il soit général ou qu'il soit n'importe quel type, au niveau du pouvoir, il doit payer. L'histoire n'est pas tout à fait terminée. Le président Bouteflika a convaincu le peuple qu'il suffirait de pardonner, d'amnistier tout le monde pour que la paix revienne. Mais jamais le gouvernement n'a permis aux Algériens, victimes et bourreaux, de parler de cette violence qui les a affectés. Autrement dit, on occulte le traumatisme, on ne le soigne pas. قدام باب الدار ديجا كاين كاسيرنا صغار يطيحوا كي الخرفان ناكل ما نقراو ترنا نعرق ظهرنا نقول الله يسترنا وهما سترهم التراب واللي سلك كل شي عليه غاب الله يرحم دراري ويصبرهم على الحباب جمع غبالة فوقتي يا خوي نصان فوقي نصان فوقي نصان يا باسي لونتان جمع غبالة شفتو كي طاب خويا خبطو في السور غدوة من داك بكيت ربع قبور في عمر 11 وحكايتو ما تأمنهاش مرمي في وسط المودة سابغ روحو بالدم حكم دموعو للصبح وهو على بالو باللي تيتم وكاين نهضر ولا نسكت أنا يا خاين اللي يسمع يكرز وهو واش نقول عليه كيفاه حبيتو يفرز بالملاحة والقباحة كيفاه حبيتو يلعب وينسى كل شي في الساحة ديجا لي سوفنير تاع اونسيان مجاهد شافيك اليوم على وليد الحوش اللي جاي فيه يجاهد واذا غبت لاضات يقراها في 200 شاهد قاعد في بلاصتو جابت روحو عالدراري يشبع على يما حبادو يخرج قاري ان شاء الله في لينوسونس في جيون نواغ اي بلون بود باكي انسي Enfant innocent, y'a pas si longtemps. Mais tous les plaisirs sont depuis que je suis grand. Depuis que je suis grand, adulte inconscient. Je me rappelle avoir été enfant innocent. Enfant innocent, y'a pas si longtemps. Mais tous les plaisirs sont depuis que je suis grand. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la guerre civile en Algérie avec notre invité Frédéric Paulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, écrivain, vous avez notamment écrit « La guerre est une ruse » paru aux éditions Angulo en septembre dernier. C'est un roman, je précise, c'est un roman qui prend corps en plein milieu de cette guerre civile qu'on vient de raconter. On y croise Toufik et les gradés de l'armée, Jamel Zitouni, le futur chef du GIA, Khaled Kelkal, lycéen Lyon, futur poseur de bombes pour la vague d'attentats en France en 95, un agent français de la DGSE totalement obsédé par l'idée d'exposer des liens, les trouver en tout cas entre l'armée et le GIA. Voilà, la lecture de votre livre est passionnante. C'est bien écrit, je le recommande vivement. Et vous allez publier le 21 mars 2019, Prémices de la chute. Ça sera la suite de ça, on peut dire. Ça sera le tome 2 de l'histoire. Oui, tout à fait, qui se terminera au 11 septembre 2001, celui-là. Bien, effectivement. Alors, une question qu'on a dû beaucoup vous poser, que je vous pose quand même. Pourquoi passer par le biais du roman pour raconter cette histoire vraie? Parce que c'est une histoire vraie et compliquée, complexe à appréhender, et que je pense, d'abord je suis pas universitaire, mais ni journaliste, et je pense avec le pensum universitaire était difficile c'était difficile d'entraîner les lecteurs dans cette histoire compliquée. Le roman permet de s'adjoindre des services de personnages fictifs et d'histoires fictives. L'imagination au secours de la complexité. D'une certaine manière. Vous aviez un objectif en tant qu'auteur, une intention. C'est quoi votre intention quand vous avez écrit ce livre? Qu'est-ce que vous vouliez faire, montrer, peut-être prouver, expliquer? Alors, expliquer sans doute. Prouver, c'est compliqué pour l'histoire dont je me suis saisi. Cependant, je me souviens que quand j'avais 20 ans, j'ai vu des images à la télé, j'ai vu les images de ces massacres dont le document a parlé précédemment. Et ça m'a troublé. Ça m'a troublé jusqu'à une période récente, jusqu'à cette période des attentats en 2015. Au Bataclan, Charlie Hebdo, et j'ai vu beaucoup d'incompréhension autour de moi. Les gens ne comprenaient pas d'où ça venait. Et je me suis demandé si, je me suis posé la question, et ma théorie c'est que ça vient de loin, d'il y a 30 ans, quoi. Et peut-être que le GIA et tous ces massacres en Algérie ont été les prémices de ce qui s'est passé au 11 septembre 2001, et aussi au Bataclan, et puis aussi partout en Europe, en Espagne, à Londres et partout dans le monde. Ce sont les prémices pour vous de tout cela? D'une certaine manière, oui. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quels sont les éléments qui vous permettent de faire ce lien qui paraît pertinent d'ailleurs? D'abord parce que c'est les actions du GIA étaient une volonté, disons, d'appliquer, de mettre en place un califat, ce califat qu'on retrouve avec Daesh 30 ans après. Et surtout, à la fin des années 90, on a presque l'impression que Al-Qaïda va préempter un peu le phénomène, si on peut dire. Le GIA va disparaître et Al-Qaïda va prendre, le premier rôle. Alors, c'est pas le califat chez Al-Qaïda, c'est plutôt des feux allumés dans le monde entier. Mais Daesh va réinstaurer cette volonté de mettre en place un cadre. Il y a une filiation, ça paraît clair, effectivement. Alors, ce drame en Algérie a tourné aussi autour d'une question terrible qui met mal à l'aise. Qui tue qui? Qui fait quoi? Qui manipule qui? On connaît la stratégie de la terreur. On avait vu ça d'une certaine manière dans les années de plomb en Italie. C'est-à-dire que certaines thèses disaient qu'il fallait vraiment créer un chaos pour un retour, une demande de sécurité, pour un pouvoir fort. Là, ce serait, est-ce qu'on peut dire que on a créé en Algérie les militaires et le pouvoir une certaine forme de chaos pour faire porter aux fils, aux islamistes et aux GIA le chapeau de tous les massacres et le chapeau de tout ce qui ne va pas en Algérie? Est-ce qu'il y a eu cette manipulation-là? La stratégie du chaos, la stratégie de la tension permet... Oui, stratégie de la tension, ça s'appelle comme ça, merci. Permis aux généraux de se maintenir au pouvoir. Enfin, c'est, comme vous l'avez dit, en Italie, ça a été le cas, ça a été aussi... Avec l'extrême droite, l'attentat de Bologne notamment. Ça a été le cas aussi en Amérique du Sud. Bien voilà, sûr. Cette stratégie permet finalement de dire, les militaires peuvent dire, sans nous, c'est le chaos généralisé. Vous avez parlé d'anarchie d'une certaine manière. Et plus encore, ça permet à des généraux sans doute de se maintenir au pouvoir et de faire ce qu'ils ont sans doute fait, de s'enrichir, simplement aussi. Non seulement c'était l'armée qui était au pouvoir, mais des généraux sont devenus très très riches. Comme le document le précisait, l'Algérie est un pays très riche en sous-sol, sous-sol et étonnamment très très pauvre au-dessus du sol. À la surface, oui, c'est vrai. Tout à fait. Et donc votre héros, le héros du livre, le personnage central, il est bien sur cette thématique-là, d'essayer de savoir qui tue qui et qui manipule qui, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Lui, alors, personnage de fiction, Tedj Ben Lazar, qui est un officier... Mais qui porte en fait l'ensemble de nos questions. Oui, symboliquement, c'est le personnage qui porte nos questions, effectivement. Lui, il va s'apercevoir d'abord qu'il y a des camps d'internement, d'extermination quasiment dans le sud du pays. Et il va surtout comprendre que le DRS, les renseignements algériens, manipulent les islamistes du GIA et font sans doute monter cette stratégie de l'attention et organisent ce chaos d'une certaine manière. Alors, à la tête de ce service, il y a le fameux général Toufik, chef du DRS, de son prénom Mohamed Medienne. Qui est ce personnage? C'est un personnage central de cette histoire. Oh, c'est vraiment, ça serait pratiquement un personnage de roman s'il n'y avait ces 150 000, 200 000 morts. Toufik, oui, était déjà en 54-57 lors de la bataille d'Alger. Il était déjà, il faisait partie de la zone autonome d'Alger. Il faisait partie du FLN. Donc il était déjà là. C'est lui qui a créé le DRS et il reste à la tête du DRS de 1990 à 2015. Donc il n'y a pas si longtemps. Il y a pas mal d'histoires qui courent sur son compte. On a dit que quelques jours avant le 11 septembre 2001, il a prévenu les Américains qu'il y allait avoir des attentats d'ampleur sur le sol américain. On a dit ça. On a dit aussi que récemment, encore en 2015, il était capable de prendre la présidence à Bouteflika. Peut-être ce qui explique qu'il a été mis sur le côté. Medienne, c'est quelqu'un dont personne ne sait réellement les ambitions et la possibilité de nuisance. Il fait partie des éradicateurs, donc qui contre toute négociation avec le fils LGIA. Cependant, il va appuyer parfois lorsque le président Zeroual va essayer de discuter avec le fils aussi en 94-97. Il va l'appuyer. Donc voilà, c'est un personnage inquiétant. Inquiétant. Il a une espèce de sorte d'alter ego au Maroc, Roufkir. C'est un peu le même profil. Mais ouais. Enfin, la comparaison s'arrête là. Parlons d'un autre personnage important de cette histoire, Jamel Zitouni, chef du GIA. Alors, vous vous présentez comme un psychopathe, hein, d'abord manipulé par les généraux, puis qui échappe totalement à leur contrôle. Qui était ce Zitouni? Bah, Zitouni, à la base, c'est un petit délinquant de la banlieue sud d'Alger. Je crois me souvenir que son père est un petit éleveur de poulets. Mais bon, il est proche du fils à un moment et il est interné dans un camp de rétention dans le sud de l'Algérie, près de Tamanrasset. Et on a dit qu'il aurait été quasiment casté par le DRS pour monter les échelons du GIA. GIA, pardon, GIA, bras armés des fils. Hein. Oui. Et lorsque l'émir à l'époque du GIA se fait assassiner, Gouami, il prend la place, il est nommé émir général du GIA. Alors, Lui, il est derrière la plupart des massacres, le détournement de l'avion d'Air France en décembre 94. Il est à la pointe en fait de ce moment où le chaos algérien va traverser la Méditerranée. C'est lui qui est aussi à la base de cette vague d'attentats. Qui fera 8 morts, 200 blessés, dont Khaled Kelkal est le chef du réseau français qui va poser les bombes. Alors, justement, puisqu'on parle de la France, parlons de son rôle. Dans le livre, vous parlez notamment d'une visite de Jean-Charles Marchiani, et le bras droit de Charles Pasqua, l'homme de l'ombre qui avait aussi négocié pour les otages au Liban, en 85. Vous parlez aussi du lien qui unit le pouvoir militaire algérien et le sommet de l'État français. Selon vous, est-ce qu'un homme comme Charles Pasqua était au courant du rôle trouble de l'armée algérienne et qu'il l'a fait, avec, quoi, comme on dit, une espèce de réalisme, un peu cynisme politique? Sans doute, selon moi. Néanmoins, Charles Pasqua dirige ce qu'on appelle les réseaux Pasqua, les réseaux africains, un peu la suite de Focard. De Focard, à la suite de Focard. Mais Pasqua est à ce moment-là en rupture avec Chirac. Et il a des ambitions présidentielles également. C'est vrai. Donc, et on sait qu'en France, c'est bien d'avoir la francophonie avec soi lorsqu'on veut devenir président de la République. Et Pasqua a cette vision. Pasqua, c'est un homme de l'ombre, mais c'est aussi une vieille baderne politique. Il sait où il va. Et effectivement, il est un peu comme chez lui en Algérie, quoi. Lorsqu'il faut négocier la libération de 3 fonctionnaires de l'ambassade de France qui ont été enlevés, il envoie son homme Lige, Marchiani, et qui lui-même est un ancien des renseignements extérieurs français, le SDES, et qui effectivement sur place met en place une diplomatie parallèle, à tel point que lorsque Alain Juppé va s'apercevoir de ça, ils vont se faire dégager d'Algérie, quoi. Marchiani, Pasqua et tout ça. Mais néanmoins, c'était peut-être eux qui comprenaient mieux ce qui se passait sur le sol algérien. On va écouter une dernière archive ensemble, Boualem Sansal, qu'on a déjà cité dans le récit, auteur algérien. Il parle au micro de France Culture en 2005, et là il parle de l'importance pour la population algérienne de se réapproprier son histoire. Dans la guerre, tout est secret. Hein. On ne sait pas qui tue qui, d'abord. Il y a beaucoup de gens, on ne sait pas comment ils sont morts. On ne sait même pas d'ailleurs s'ils sont morts. Ils pourraient être quelque part en prison ou ils auraient émigré sous de faux noms. On ne sait rien encore parce que nous n'avons jamais débattu de cette guerre. Il faut d'abord la nommer. Est-ce que c'est une guerre civile? Est-ce que c'est une guerre de religion? Est-ce que c'est une guerre de pouvoir? On ne sait pas trop. Et donc on vit dans l'ignorance, l'incertitude. Et il ne faudrait pas que ce soit le monopole des historiens. Il faut que les citoyens eux-mêmes débattent de ces choses-là et se font leur propre idée. Et ne pas se laisser demain imposer un récit, qui est un récit officiel, très dangereux. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh ben, je pense que vous avez cité cette phrase de Camus, là, mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Je pense que ne pas nommer cette guerre, c'est aussi refuser toute humanité aux victimes. C'est une malédiction, ne pas dire les vrais mots pour les guerres en Algérie. La première, on disait les événements d'Algérie, ouais. Alors c'était une guerre d'indépendance. Puis là, on dit des troubles, alors que c'est une guerre civile. Tout à fait, ouais. Mais les Algériens l'appellent. Enfin, on a parlé de sale guerre. Certains Algériens disent la guerre faite au peuple. Parce que évidemment, cette guerre s'est menée entre l'armée et les islamistes, si on peut dire, et c'est quand même le peuple qui en a payé le prix lourd, quoi. Cette peur dont parlait Boualem Sansal, là, c'est le peuple qui l'a subi sans doute encore. On a l'impression que cette décennie noire est finie. Appelez ça décennie noire, mais c'est marqué dans le temps, mais cette guerre continue toujours. En tout cas, dans les esprits et sans doute dans les cœurs de beaucoup d'Algériens. D'ailleurs, quand on parle aux Algériens des printemps arabes, ils nous répondent en disant « Oui, bien sûr, les printemps arabes. Alors, et vous, pourquoi pas ?» Mais enfin, avec ce qu'on a vécu, avec toute cette violence pendant 10 ans, probablement que la peur, ça peut se comprendre, est là encore prégnante chez les Algériens. Elle est évidemment là encore. Et je pense que... À tout prendre, je sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux pas une clique de généraux et de militaires avec des agissements brutaux que des gens qui veulent un califat, qui vitriolent des jeunes filles parce qu'elles portent pas le voile? Je sais pas, c'est peut-être une prise en compte du peuple algérien, quoi. C'est difficile de parler de ça lorsqu'on est français et finalement à l'abri. Bien sûr, à l'abri. C'est difficile. Mais il faut les rencontrer pour ça. Il faut les voir et parler avec eux. Et chez eux, si c'est possible, parce que c'est là qu'on a effectivement le vrai sentiment de la population. C'est une guerre qui n'est pas éloignée dans le temps. Donc forcément, les cicatrices sont là. Vous relatez dans votre livre, je reviens un peu au fait, vous relatez avec minutie comment la peur, la rupture du pacte social entraîne une modification totale des rapports entre les gens d'une même famille ou d'un même groupe d'amis, comment tout ceci gangrène dans les esprits. Est-ce qu'on peut dire que le pays a sombré pendant ces années-là dans une forme de folie collective? C'est toujours pareil, je pense pas que le peuple a été fou. Je pense que certains généraux l'ont été. Je pense que les islamistes du GIA l'ont été, effectivement. Le peuple n'a pas été fou. Mais parler de folie collective, je sais pas. Sans doute, la guerre, de toute manière, est une folie collective. Et la guerre civile, plus c'est encore. C'est sûr qu'elle fait perdre ses repères, c'est clair. Effectivement, dans des mêmes familles ou des mêmes villages, il y avait des islamistes et des partisans de l'armée, de la répression. On dit qu'il y a eu un congrès en 2008 en Suisse qui a un peu quantifié le nombre de personnes en Algérie qui devraient être aidées psychologiquement. Psychiatriquement même, à 3 millions de personnes, quoi. Sur un pays de 35 millions de personnes, c'est un bon ratio. Bien sûr, c'est beaucoup. Mais très peu de gens sont suivis par des médecins, par des psychiatres. On a tendance à plus parler de honte, de chouma en Algérie et de faire passer ça un peu, disons, sous le tapis, quoi. Et je pense que voilà, les conséquences risquent d'être pour les générations à venir très importante, évidemment. Quoi. Et quel est votre regard, ça, ma dernière question, sur la concorde nationale de Bouteflika? Effectivement, d'un côté, il faut bien refaire le pays, ressouder le pays, mais c'est aussi la porte ouverte à l'impunité. Évidemment. C'est difficile à gérer, ouais, ça. Évidemment, la justice et les tribunaux sont aussi là pour aider à faire le deuil. Et là, il ne sera jamais fait. Il ne sera jamais fait. Alors, Prémisse de la chute, donc, sortira au mois de mars 2019. Tout à fait. C'est bien ça. Et qu'est-ce que vous allez nous raconter après avoir raconté tant de choses? Qu'est-ce qui L'ambition, c'est de compter ces 30 années, là, qui partent depuis le début des années 90 en Algérie, qui nous ont menés, donc, jusqu'au Charlie Hebdo, Bataclan. Et donc, on ira jusqu'au, septembre 2001. 2001, comme vous l'avez dit, effectivement, tout à l'heure. Et ce sera toujours chez Agulot, bien tout sûr. Tout à fait. Agulot Noir. Bien sûr. Merci infiniment, Frédéric Pollin. Merci. Bon, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la guerre civile en Algérie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires si le cœur vous en dit. Puisque nous sommes jeudi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jean-Bulot, Margot Pinel et Guillaume Ballandras. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrer. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Jérôme Boulet et Coy Nguyen. À la technique aujourd'hui, Elisabeth Collet.